détruisent tout ce qu'ils touchent. Le pire c'est que chaque génération en rajoute une couche. La solution est dans les actes, pas dans les pactes. Avec les lobbies, la télé c'est le virus qui fait nous des zombies. La survie rend les sumatropies, Saron, disgrave, on mise que sur des ondes. Yeah. On a donc les autres agissent, tandis que nos enfants nous disent tous les jours qu'il serait temps de grandir. Ils détruisent tout ce qu'ils touchent, le pire c'est que chaque génération en rajoute une couche. La solution est dans les actes, pas dans les pactes. Avec les lobbies, la télé c'est le virus qui fait nous des zombies. La survie rend les sumatropies, Saron, disgrave, on mise que sur des ondes. Yeah. On a donc les autres agissent, tandis que nos enfants nous disent tous les jours qu'il serait temps de grandir. On a les cartes en main pour changer, mais d'abord faudrait les ranger. C'est devenu chaotique depuis qu'elles ont été mélangées. Le danger, tu le ressens comme un itch, je me sens étranger. C'est quand j'ai mal à ma terre que je voudrais la venger. A chaque problème, y'a une solution pour mieux se planter. Le pire, c'est qu'on n'a rien demandé, donc je trouve toujours le temps d'écrire. A chaque fois que j'ai des choses à scander, je le ferai jusqu'à la fin de ma durée de vie escomptée. A force de voir autant de conneries, je laisse pisser, mais du coup, j'ai toujours un sourire en coin esquissé. Quand est-ce qu'il s'est arrêté le temps où je pensais vivre en paix avec mes frères bornés? Je crois qu'il est mort-né des parasites que l'absurdité assiste, puisqu'en étant qu'une seule espèce, ils arrivent à être racistes. Et j'insiste, y'a que des clowns sur la piste, moi y compris, me reprochez pas d'être un artiste. Faut dire, la planète Terre allait mieux sans l'homme. Espèce contre-naturelle inscrite dans son curriculum. Depuis des millénaires, un système complexe est en place. On lâche des tonnes de CO2 trop tard pour effacer nos traces. Tout était déjà réglé avant notre venue. Des feux de forêt aux orages décuplés depuis qu'on pollue. On se fait la guerre divisée, on saccage sans aucune retenue. Espèce la plus intelligente, mais qui l'a reconnue? L'argent est maître pour un total déséquilibre. La télé, la radio, les livres, non mon opinion est libre. Les vieux exécutent et la jeunesse est ivre. Je voue un culte à Dame Nature et qu'on la laisse vivre. Un milliard d'humains supplémentaires tous les 12 ans. Sans commentaire, faudra les bourrer de tranquillisants. Mais 10 ans infinis comme la bêtise humaine. On changera pas les choses, d'ailleurs la coupe est déjà pleine. Enfoncez le clou si ça vous plaît, ne comptez pas sur moi pour penser des plaies, j'en ai rien à foutre. S'il suffit d'être bête pour exister, je serai le premier. Cette putain de race me fout la honte, je vous le promets. Je suis passé d'humain à son pire ennemi depuis des décennies. Que l'épidémie se répand sur une planète au générique. Les gosses vous suivez, c'est bien ça le problème. Comment cacher ma haine, ils prennent ma ville pour un sac poubelle. Voyez-vous, j'ai plus de regrets à rouler en diesel. Les gaz consument, ne voient plus du gris entre terre et ciel. On perce la couche d'ozone, j'y ai mis ma pierre à l'édifice, ne m'en voulez pas. Je ne suis qu'un homme, réfléchir mais difficile. Je voudrais partir d'ici, plier bagage. Désolé de vous laisser ce triste paysage en héritage. À vous de juger les clichés photoshopés de la NASA. Je respire et je crains de choper un cancer d'aquazon nasal. Ils détruisent tout ce qu'ils touchent. Le pire c'est que chaque génération en rajoute une couche. La solution est dans les actes, pas dans les pactes. Avec les lobbies, la télé c'est le virus qui fait nous des zombies. La survie rend les sumatropies, Saron, disgrave, on mise que sur des ondes. Yeah. On a donc les autres agissent, tandis que nos enfants nous disent tous les jours qu'il serait temps de grandir. Ils détruisent tout ce qu'ils touchent, le pire c'est que chaque génération en rajoute une couche. La solution est dans les actes, pas dans les pactes. Avec les lobbies, la télé c'est le virus qui fait nous des zombies. La survie rend les sumatropies, Saron, disgrave, on mise que sur des ondes. Yeah. On a donc les autres agissent, tandis que nos enfants nous disent tous les jours qu'il serait temps de grandir.